Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle Radar du Sport. Et bienvenue à vous sur le 96.2 FM sur Radio Arc-en-Ciel. Il est 20h, passé de 7 minutes ce soir. Une émission qui sera un petit peu particulière puisqu'elle sera réduite presque moitié hein, par rapport à d'habitude puisque nous sommes en horaire vacances, hein, vous l'avez vu, hein, Manu n'est pas là ce soir puisque c'est les vacances, donc on sera cette semaine et la semaine prochaine donc en horaire vacances, donc des émissions qui seront un petit peu plus courtes que d'habitude. Voilà, quasiment réduite de moitié ce soir, donc 20h, un petit peu plus de 20h jusqu'à 21h, un petit peu plus de 21h, peut-être 21h15. Voilà, vous pouvez évidemment nous joindre sur le Facebook Red Arc du Sport ou bien sur le standard, hein, évidemment 02 38 404 800. Je rappelle 02 38 434 800 pour nous joindre donc au standard. Vous pouvez également nous écouter, on le disait, hein, sur le 96.2 FM bien sûr, ou sur le site radio-arc-en-ciel.fr. Voilà pour les contacts. Ce soir, nous aurons Sylvain avec nous dans une poignée de minutes. Hein. Il sera avec nous pour débriefer l'actu hand. On va démarrer par ça d'ailleurs, donc dans quelques secondes. Nous aurons bien sûr... Donc l'actualité de Gien, de Saran, de Fleury en handball, bien évidemment nos clubs locaux, bien sûr on parlera de la Ligue des Champions, évidemment on parlera aussi de la Lidl Star League, hein, évidemment. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, hein, ce point hand qu'on fera avec Sylvain dans quelques secondes. On parlera évidemment de basket avec la défaite de l'OLB malheureusement. Dans la quatrième journée de la JP Elite, les autres résultats aussi de cette journée bien sûr. On parlera de la NBA qui reprend cette semaine, ce sera la nuit prochaine, la nuit de mardi à mercredi. On va bien sûr faire le point sur les matchs qui vont démarrer cette semaine, on fera un point sur cette NBA, le basket européen bien sûr avec les Coupes d'Europe, basket français aussi évidemment. Voilà pour le basket du rugby. Le 15 de France malheureusement éliminé de la Coupe du Monde après sa défaite face au Pays de Galles. On va revenir sur le scénario du match. Totalement fou, hein, une première mi-temps énorme des Français. Et puis malheureusement, un carton rouge qui a un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, compliqué les choses pour les Bleus qui ont tenu, mais malheureusement, un essai assez crucial en fin de match a scellé la victoire des Gallois qui eux sont qualifiés pour la demi-finale et qui affronteront l'Afrique du Sud, alors que dans l'autre demi-finale, ce sera Angleterre, Nouvelle-Zélande, le choc de cette Coupe du Monde. Voilà, en rugby, puis bien sûr le top 14 en parallèle qui se déroulait aussi, nouvelle journée, hein, et comme vous en avez l'habitude, c'est double événement, donc la même semaine. Et puis également on parlera du RCO qui reprendra dimanche sa saison. Voilà pour le programme en rugby, donc pas mal de choses encore. Du tennis, on bien sûr parlera de la saison qui se poursuit, qui va se terminer bientôt, avec des matchs en direct. On aura un match, donc Roger Federer, c'est déjà fini, hein. On voulait suivre un petit peu le match de Roger Federer qui démarrait vers à peu près à 19h, il y a une petite heure que le match a démarré, c'est déjà fini, hein. À Bâle, donc chez lui, le Suisse qui n'a fait qu'une bouchée de Peter Gojovic, l'Allemand, en 2 manches 6-2, 6-1. Voilà, rien à dire pour le Suisse qui a été vraiment au-dessus de son adversaire et qui donc s'est qualifié pour la suite de son tournoi, dont on parlera tout à l'heure, où bien sûr il vise un 10e titre donc à domicile avant d'attaquer la fin de saison. Bien sûr, voilà le point tennis. Et puis, du foot, bien sûr. Alors, on parlera de Ligue 1, bien sûr. Ligue 1, Ligue 2. Et puis, les autres résultats donc de cette journée, bien sûr, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Plein de choses donc à voir. Et puis, la Ligue des Champions, cette semaine, bien sûr, on présentera les programmes de ces affiches. Voilà ce soir, et puis Sylvain dans quelques secondes, le temps pour nous de mettre en place tout ça, une petite pause et on revient pour Sylvain, donc le hand. Donc pas mal de choses, je vous le disais ce soir. On va essayer de faire rapide. Et puis du son ce soir, bien sûr, vous faites la programmation. Il n'y aura pas beaucoup de son ce soir. Donc proposez-moi vos propositions, c'est le cas de le dire. On essaiera d'en choisir quelques-unes, il n'y aura pas beaucoup. Hein, donc allez-y, faites vos propositions et puis donc on passe tout ça dans la soirée. On commence avec un titre qui va démarrer dans quelques secondes et puis bien juste après on va démarrer ce programme donc avec Sylvain qui est avec nous qui essaie de nous joindre. Donc on va vite mettre en place ce petit système technique pour qu'on puisse avoir avec nous Sylvain. Et puis on revient donc juste après pour le son. Qu'est-ce qu'on nous propose pour démarrer? Plein de choses. On va pas pouvoir passer beaucoup de choses. Donc on va essayer de faire au mieux. Mais on nous demande quoi? Sia et David Guetta. Pourquoi? Pour quel aussi? Parce qu'il y a plusieurs. De Sia et David Guetta. Flame. Flame, c'est parti pour ce titre de David Guetta et de Sia. Et juste après. Donc on démarre le programme avec Sylvain qui va être avec nous pour lancer cette émission. C'est parti pour Sia et Flames et David Guetta bien sûr. Dans un instant, on revient pour la première partie. À tout de suite sur Arc-en-Ciel. Flame à l'instant, c'était le titre premier titre pardon de cette soirée. Proposez-nous pour la suite, hein, il y aura encore un, peut-être deux titres, pas plus, ce soir. Donc proposez-nous les propositions sur le Facebook Red Rugby Sport. Et normalement, si tout va bien, nous devrions avoir Sylvain avec nous sur le standard. Allô Sylvain. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien, et toi? Très très bien. Et bah parfait, super. Impeccable. Bon, on a réussi à se sortir un petit peu de tout ça parce qu'il n'y a pas de standard malheureusement en ce moment. Et bon, bah tout va bien en tout cas, on arrive à te joindre quand même. Alors, je crois qu'on entend encore mieux que d'habitude, donc c'est parfait. Alors, ouais. Une grosse actu handball, enfin tout est reparti, hein, que ce soit les compétitions européennes et les championnats. Donc on va faire un point sur tout ça. Et on va surtout revenir sur la première, pour démarrer, sur la première victoire de Gien en championnat. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, très bonne nouvelle. Et une victoire indispensable. Et ils ont été la chercher hier du côté de Rennes. C'est son Rennes. C'est ça. Qui était aussi dans le même bateau, ouais, on va dire. C'était un peu le match de la mort, entre guillemets. Ouais, déjà, ouais. Entre les deux derniers. Et Gien a fait un super match. Et très large victoire. Et surtout, très rassurant dans le contenu et dans l'attitude des joueurs. Tu étais ouais. Présent? Ouais, j'étais présent. D'accord. Ouais, j'en ai fait le déplacement à quelques-uns, dont notre ami commun Christophe d'ailleurs, ouais. Qui était avec nous. Et non, on a vu un très très gros match de l'équipe et ça fait plaisir. Bon, 40-28, c'est vrai que depuis le début de la saison, il n'y avait pas eu plus de 30 points par match. Hein. Je suis en train de regarder les derniers matchs, mais ouais, c'est la première fois qu'ils mettent plus de 30 points, 30 buts, ouais, dans le match. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que ça prouve aussi que offensivement, il y avait de quoi faire. Et puis je te dis, ouais, surtout dans, il y avait déjà eu un match de Coupe de France la semaine dernière, oui, qu'ils ont perdu d'un but à la dernière seconde. Ouais. Où déjà c'était beaucoup mieux dans l'attitude. Et ouais, hier soir ils ont vraiment confirmé qu'il y a quelque chose qui a changé dans l'équipe et ça fait du bien, quoi. Donc là, on se retrouve avec une situation où il y a trois équipes à 8 points. Ouais. Donc Gien, Livry et Chartres. Qui est aussi pas, voilà, bien, hein, la réserve de Chartres. Et puis c'est son Rennes qui du coup reste dernier avec 6 points. Et on a Toulouse, la réserve de Toulouse, qui a 2 points devant. Donc pour l'instant, ça se relance un peu. Quelle est la configuration? C'est comme l'année passée au niveau des descentes. C'est pas des descentes, mais les équipes qui vont aller jouer une... Non, là c'est un championnat, c'est un vrai championnat. Donc tu as simplement les deux derniers qui descendent. D'accord, très bien. Bon, ouais. Voilà, donc c'est... C'est bien d'avoir gagné ce match. Maintenant, il va falloir enchaîner et justement, quoi de mieux pour enchaîner qu'une autre équipe qui est mal classée, c'est Chartres. Voilà. Sera. Alors, il y a une pause là, c'est ça. Il y a pas de match ce week-end. Ouais. Ouais. Et puis derrière, réception de Chartres où là, c'est l'occasion de confirmer et puis vraiment de se remettre bien pour la suite, quoi. Puis en plus, c'est presque un match à combien de points? Je suis en train de réfléchir comment ça. C'est 2 points la défaite et. Ouais, non, c'est 1 point la défaite. Ah oui, 1 point, 2 points la nulle, le nul et 3 points la. Ouais, donc c'est un match qui vaut cher puisque Chartres qui est au même nombre de points, ce serait vraiment l'occasion de prendre, pas le large, mais en tout cas de prendre une avance sur Chartres. Ouais, mais en même temps, tu te rends compte que ça va très vite, hein. Avant ce match-là, Gien était largué à la dernière place, et puis tu vois, là, une victoire, et tu recolles au peloton, hein, donc. Ça va vite, c'est vrai. Ça va vite, hein. Donc Chartres à la maison. Ensuite, on peut se projeter un petit peu loin. Il y aura Saintes qui est plutôt milieu de tableau, qui a 12 points et qui est 7e, donc qui est plutôt abordable, hein, il faut le dire. Et puis grosse équipe quand même, hein, grosse équipe un peu irrégulière, mais avec des gros joueurs. Ensuite, il y aura la réception de Bruges. Ouais. Très dur. Qui est deuxième, hein, ouais, qui est leader, co-leader avec réserve du PSG. Donc ça va être un match qui sera évidemment très compliqué. Il y aura Torcy, donc Marne-la-Vallée, qui est aussi milieu de tableau. Et enfin, la réception, et là ce sera important, peut-être, enfin on ne sait pas encore où seront classées les équipes, mais de Toulouse. Il y a la réception de Toulouse qui est à 2 points devant pour l'instant. Ouais. Bah en fait il faut battre Chartres et après ça permet de, puisque on joue un mini championnat pour la descente, hein. Oui. Donc il faut essayer de battre Chartres, de battre Toulouse et puis après tu peux aller faire les autres matchs un peu plus sereinement. Ouais. Et donc ça ce sera là on a un calendrier qui s'arrête au 14, qu'après c'est une phase retour tout simplement. Ouais, après c'est une phase retour. D'accord. Tout simplement. Ouais, c'est beaucoup plus simple que l'année dernière. Hein. C'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver, mais là c'est vrai que c'est pas plus mal d'avoir fait comme ça quand même. Non, c'est un vrai championnat, quoi, tout simplement. Ouais. C'est ce qu'on n'aurait jamais dû quitter, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc dixième et donc prochain match. Donc là, c'est quoi? C'est juste une pause. Il y a quand même des matchs amicaux. Non, c'est la coupe. C'est la coupe de France. Ah oui, donc évidemment, malheureusement, c'est fini pour Gien. Bon, ça va permettre de pouvoir se reposer, et préparer sereinement aussi le match de Chartres aussi. C'est pas plus mal. Ouais. Puis ce match-là à Rennes, il a fait beaucoup de bien dans les têtes hier. Il y avait des sourires, il y avait de la joie. Ouais. Je pense que c'est bien. Ça va faire du bien, ouais, de rester sur cette dynamique jusqu'à Chartres. C'était presque indispensable de gagner ce match-là, en fait. Exact. Bah oui, complètement. Hein. Parce que sinon, si tu le perds celui-là, t'es très très mal quand même. Hein. Donc, t'es dernier. Là, on serait à la place de Cesson Rennes, en fait, là. Voilà, c'est ça. Donc il fallait gagner. Bon, voilà, très bien. Donc rendez-vous dans 15 jours pour Chartres, et là, ce sera à la maison, donc sur la salle principale. Hein. De Gien. Ouais, la salle Curie. Voilà. Ouais. La salle Curie, et ce sera le samedi soir, j'ai pas le droit, sur 20h30, j'imagine. 20h30, ouais, toujours. C'est ça. Très bien. Enchaînons avec un autre bon résultat pour une autre équipe du Loiret, c'est Saran. Ouais. Qui a enchaîné une deuxième victoire, je crois que c'est deuxième victoire consécutive, c'est ça, hein. Qui avait gagné la semaine passée déjà, et puis là, qui enchaîne cette fois-ci à domicile face à Nancy. Voilà, 29 à 26. Voilà, c'est ça, dans le cadre de la Pro League. Donc une victoire qui est bien la bienvenue, parce que c'est vrai que ça va, on le disait que ça allait très vite pour Gien dans son championnat, ça va aussi très vite pour ça en Pro League. Hein. Oui. Ils étaient vraiment derniers, et là tu vois en deux matchs ils sont passés 7e. C'est vrai que sur 14, ça va très vite. Hein. Bah ça va très très vite, hein. C'est pour ça qu'en Hand c'est jamais fini, hein. Dans un sens ou dans l'autre. La différence du Hand, c'est vrai que c'est 1-2-3. Alors que c'est vrai qu'au foot, 3-1-0, ça change complètement la donne. Et là, c'est vrai que ça va très vite. Donc 7e, donc c'est beaucoup mieux à la moitié. Avec un bilan qui est vraiment égalité, hein, 3 victoires, 3 défaites. Désormais. Ouais, ils ont bien redressé la barre, parce que ils étaient à une défaite, une victoire et 3 défaites. Ouais. Et ouais, ils ont bien réussi à remonter là, et apparemment contre Nancy c'était pas mal du tout. Donc qui était un adversaire direct, hein, qui était dans la même configuration finalement que ça. Grosse équipe. Donc c'est vraiment bien d'avoir gagné. Après il va falloir aller chercher des points à l'extérieur par contre. C'est ça qui pêche pour l'instant, c'est l'extérieur. Ouais. C'est le leader qui sort pour l'instant sur le championnat, c'est Limoges, hein, qui a vaincu, hein. Qui a gagné tous ses matchs, et donc qui est vraiment au-dessus. Il y a Massy aussi qui est plutôt bien classé. Puis après, c'est un peu plus serré. Hein. On a Cesson Rennes, Cherbourg avec 7 points, 6 points pour Ponto Combo, Strasbourg et Sarre. Donc finalement, ils sont pas très loin du podium. Hein. Ils sont qu'à 1 point du podium. Donc, Non, mais je pense que Limoges est franchement au-dessus du lot cette année. Ouais. Oui, visiblement, oui. Bah c'est une équipe qui faisait des bons championnats déjà depuis 2-3 ans. Ils étaient pas dans les tout premiers, mais ils faisaient des très bons championnats, très réguliers. Et là cette année, je pense qu'ils sont au-dessus, quoi. Mais derrière, à mon avis, tout est jouable. Hein. Tout est jouable, hein. C'est vrai que c'est assez homogène derrière. Donc tout est possible. Prochain rendez-vous pour Saran, le temps de retrouver ça sera aussi à la reprise, puisque ce sera la coupe pour tout le monde finalement là. Alors je sais pas si la Pro League rentre en coupe là, je t'avoue. On va regarder ça, mais je crois que ce tour-là, je vais pas tout, peut-être pas tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas encore tous les tours, puisque pour l'instant, je crois qu'on doit être au tour, les premiers tours. Ils sont encore régionaux, les tours, peut-être pour l'instant. Peut-être, ouais. J'imagine. Ah, ouais. Parce que là, il y a pas encore tout d'affiché. Je vais essayer de retrouver ça, mais en tout cas, ouais, c'est la coupe. Donc, Mais je crois, à mon avis, en général, la Pro League rentre au mois de décembre, donc ça ne va pas encore être tout de suite. D'accord. Ouais, la Pro League revient plus tard. Alors peut-être, puisqu'il n'y a pas non plus de championnat en Pro League, est-ce qu'on n'aurait pas une Coupe de la Ligue qui viendrait se greffer là? C'est possible? Ou c'est encore trop tôt? Alors non, la Coupe de la Ligue, c'est dans 15 jours. C'est pas tout de suite la Coupe de la Ligue, c'est encore plus tard. Mais la Coupe de France, le temps de regarder, de retrouver le calendrier, c'est bien samedi et dimanche. C'est vendredi et samedi même, d'ailleurs. Vendredi, samedi, même dimanche. Et visiblement, je vois pas de club encore du coin. Donc non, c'est vraiment un tour régional encore. On est seulement au 32e de finale. Et ça arrive qu'en 16e, effectivement, les Pro League. Donc là, il n'y a pas de match, visiblement, pour. Ouais, bah c'est peut-être un week-end de repos, hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai que ça arrive régulièrement, hein, dans le, en O1, en tout cas. Mais autrement pour Saran, donc la reprise du championnat, on aura le déplacement à Nice le 1er novembre. Donc, vendredi, donc 1er novembre. Ouais. Voilà, donc Nice, qui est 9, qui est 8ème, hein, qui est un point derrière. Donc, c'est une équipe, pour l'instant, qui stagne aussi milieu de tableau. Donc, bah, on attend un résultat à l'extérieur, tu le disais, il faut prendre des points à l'extérieur maintenant. Ah bah c'est ça, ouais. Ouais, il faut, parce que sinon tu vas continuer les matchs, si tu perds tout le temps à l'extérieur, les matchs à domicile deviennent de plus en plus surtout qu'après la prochaine réception à domicile c'est contre Massy, qui est très bien classé. Ouais, Massy effectivement, ce qui est deuxième, on le disait, oui. Ouais, c'est ça. Donc ce serait bien d'aller prendre les deux points là-bas, ouais. Les 3 points, pardon. Ouais, parce que si tu perds à Nice, derrière, tu reçois Massy avec un peu de pression, quand même. Ouais. Enfin, toujours dans l'objectif de Saran, qui est de jouer les playoffs. Hein. Tout à fait, c'est vrai que c'est l'objectif qui a annoncé. Hein. Il y a eu l'an dernier, malheureusement, une mauvaise période qui a fait qu'il n'y a pas eu possibilité d'accrocher ces playoffs. Mais là, il faut vraiment, c'est en tout cas annoncé par le club d'aller chercher ces playoffs. D'autant plus que pour l'instant, bah, Saran, il n'y a plus de coupe. Hein. Enfin, la Coupe de la Ligue, c'est fini. Et ouais. Il restera la Coupe de France un peu plus tard, mais pour l'instant, ouais, pour l'instant, il faut s'accrocher en championnat. Et la Coupe de la Ligue, ce sera donc le même week-end, le week-end du 2 et 3 novembre, où on retrouvera notamment Chartres, qui est encore engagé hein, dans cette Coupe de la Ligue. Ouais. Voilà, et d'autres clubs de première division qui vont jouer le troisième tour de cette coupe. C'est pareil, c'est un petit peu compliqué au niveau des coupes, parce qu'il n'y a que 4 matchs. Hein. C'est le troisième tour, mais il n'y a que 4 matchs. Et je crois qu'après, si je ne dis pas de bêtises, au tour suivant, tous les clubs de... les Européens, je crois que c'est les Européens qui doivent rentrer. Ouais, c'est ça. C'est très compliqué. C'est assez complexe aussi à comprendre. Ouais. Voilà, donc puis la Coupe de France, ce sera un petit peu plus tard donc pour les clubs de Pro League. Très bien, donc ça c'est pour Saran qui va beaucoup mieux. Et puis la dernière équipe du coin qui jouait, c'était Fleury qui évolue dans la désormais Ligue Butagaz Énergie, hein, qui est aussi son sponsor, et qui se déplaçait à Besançon et qui a été chercher 2 points puisqu'il y a eu match nul. Le match nul, ouais. Ouais, 28, c'est rare, 28-28. Et apparemment un très bon match, apparemment d'après les commentaires. Oui. Des deux côtés, hein, aussi bien de Besançon que de Fleury. Bon, bah, ouais. C'est plutôt... Et c'est assez rare pour signer, il y a eu 3 matchs nuls quand même dans cette journée, hein, sur 7 matchs. Il y a eu un autre 28-28 entre Nantes et Brest, et un 26-26 entre Bourg, Le Péage et Toulon. Donc c'est assez rare, mais bon, ça arrive. Et en tout cas, ce résultat permet à Fleury de rester milieu de tableau, 6e. Voilà, 17 points. Un petit point devant, on a Nice et Paris. Et puis 2 points devant sur le podium, on a Nantes avec 19 points. Donc finalement, ils sont plutôt plutôt bien classés. Et puis après, il y a les deux monstres pour l'instant, Metz et Brest, qui ont 24 et 23 points. Et pour l'instant, on a l'impression que Brest s'accroche hein, quand même. Hein. Ils arrivent à tenir le rythme de Metz. Hein. Bah, j'ai vu, t'as sans doute dû voir ça aussi, que la gardienne de Metz s'était gravement blessée. Malheureusement, ouais. Qui va manquer le mondial avec les Bleus dans 2 mois. Malheureusement, c'est un gros coup dur à la fois pour l'équipe France, puis bien sûr pour Metz, qui réagit un petit peu partout dans les compétitions, et ça va être compliqué. Après c'est Metz, c'est un très gros effectif, mais quand même, c'est un coup dur. C'est un vrai coup dur, ouais. Et puis, il faudra attendre, bien sûr, le fameux Metz-Brest qui devra peut-être déterminer celui qui est un petit peu au-dessus, mais pour l'instant, c'est vrai que Brest s'accroche. La prochaine journée, c'est ce week-end pour Fleury, samedi soir à domicile. Je crois, si je dis pas de bêtises, ça doit être au Palais des Sports, parce que je crois que Fleury joue beaucoup au Palais des Sports en ce moment. Alors attends, je vais regarder. Je l'ai vu tout à l'heure, justement, l'affiche du match. Mais je. Peut-être, Palais des Sports. C'est ça, Palais des Sports. Ouais. Palais des Sports, mais il n'y a pas l'OLB qui joue. Peut-être vendredi soir, l'OLB alors. Parce que je crois que l'OLB doit jouer à domicile, on va en vérifier, mais en tout cas c'est bien Palais des Sports pour Fleury, qui joue quasiment tous ses matchs au Palais des Sports, c'est bien, hein, c'est sympa. Oui. Ouais, c'est sympa. Contre Chambray et Tours, et c'est samedi à 20h30, voilà, Chambray et Tours, qui est 11e, hein, qui a gagné qu'un match sur 7, sur 8, Donc là, il faut gagner. En plus, à domicile, il faut pas laisser des points en route. Mais là, il faut absolument s'imposer face à cette équipe qui est mal classée. Donc, ce sera samedi soir au Palais des Sports. Et puis pour terminer, on va aussi parler de première division masculine avec la Lidl Star League qui jouait cette nouvelle journée, donc qui était la septième oui. journée, avec la défaite de Nantes à domicile. Tiens donc. 34. Ouais, quand Toulouse 34 à 26 en plus, hein, pas, c'est ouais. pas c'est pas un score serré, enfin. C'est non, mais apparemment, j'ai vu des commentaires comme quoi Toulouse avait dominé d'un bout à l'autre Nantes, et que c'était spectaculaire la différence entre les deux équipes. Bah, oui, ça ressent bien, en tout cas, au niveau du. C'est très étonnant, parce que pour aller battre Nantes, déjà, aller battre Nantes, quand même d'un ou deux buts, c'est très très dur. C'est déjà un exploit, hein. Ouais, mais elle en met 8 buts, et. Est-ce qu'il y a le contre-coup peut-être pour Nantes qui jouait aussi, on va le voir après, en coupe peut-être, peut-être aussi ouais. Dans la chaîne des matchs. Bon, en tout cas, c'est grosse sensation et donc tout ce qui fait la belle opération. Paris qui s'impose à Ivry 30-24. La défaite de Chartres, qui on le rappelle démarre cette année en première division face à Chambéry. Et puis Montpellier, enfin qui a fait match nul, pardon, à Istres 25 partout. Donc le classement, Paris a vaincu toujours, hein, 14 points. Nantes, Montpellier et Aix, 10 points. Là, on est sur un statu quo. Et puis, malheureusement, pour Chartres, c'est une saison qui commence assez mal. 2 victoires et 5 défaites. Et qui est 11e. Égalité. Pour Chambéry, c'est un peu. Bah, c'est vrai que c'était aussi le cas pour Saran quand il était arrivé. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. C'est ça. Ouais. Ça avait été compliqué et c'est le cas pour Chartres, ce qui est plutôt logique. Ouais, c'est ça, il y a un fossé entre les deux divisions quand même. Ouais, oui, on le sent là, on le ressent. Ouais. Donc voilà pour Chartres qui va tenter de prendre des points à domicile la semaine prochaine. Enfin, cette semaine même. Non, puisqu'il n'y a pas de match, c'est vrai. Et non, ce sera bien la semaine prochaine, les rencontres. Pour Chartres, qui se déplacera encore. Bah oui, ils vont se déplacer deux fois, malheureusement. Ça, c'est pas. C'est pas facile de se déplacer deux fois de suite pour prendre des points, mais il faudra aller jouer à l'extérieur encore pour Chartres, qui ira à Dunkerque. Voilà, qui est 9e, voilà, qui a un petit peu plus de points. Il faudra essayer d'aller chercher des points là-bas. Et enfin, toujours en balle avec les Coupes d'Europe, puisque voilà, on joue toutes les semaines en Coupe d'Europe. C'est la particularité du Rand. Voilà, on a des matchs toutes les semaines. Pour Paris, qui a subi sa première défaite. Ça y est, c'était à l'extérieur, au FC Barcelone, 36-32. Je sais pas si tu as eu l'occasion de suivre un peu le match. Non, je pensais que la défense parisienne allait tenir un peu mieux. 36 buts, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'encaisser 36 buts, ouais. C'est vrai, effectivement. Ouais. Donc voilà, premier revers qui laisse du coup 3 équipes à 8 points, hein, du coup, hein, le Barça, Aalborg et Paris, voilà, qui sont toutes 3 à égalité. Bon, il reste beaucoup de matchs, hein. De toute façon, le calendrier est très très long. On va jouer jusqu'à fin février, donc il y a vraiment avec un match par semaine quasiment. Donc il reste vraiment beaucoup de matchs. Et justement, donc là, ce sera la réception d'Aalborg. Ce sera la semaine prochaine. Ouais. Voilà, donc pour tenter de reprendre la tête, voilà, de ce groupe A. Et puis l'autre groupe qui nous intéresse, c'est le groupe B, celui de Montpellier. Qui est troisième pour le moment et qui malheureusement a été battu à domicile ce week-end face à Kiel, les Allemands, 33 à 30. Ouais, j'ai vu. Voilà, qui c'est le deuxième revers pour Montpellier dans ce groupe. Vesprem et le Vardar sont à égalité avec 6 points, donc c'est 3 équipes. Et puis Kiel qui est en tête avec 9 points, mais là, même chose, pour l'instant, pas d'affolement puisqu'il reste beaucoup de matchs, hein, effectivement. Rien n'est joué dans ce groupe. Et puis autre Ligue des Champions, mais cette fois féminine, puisque on a là aussi 3 équipes engagées cette année en Ligue des Champions féminine. C'est le cas pour Metz qui est engagé dans le groupe A, c'est ça, et qui a fait match nul à l'extérieur ce week-end. 38 partout, gros score, hein. Gros score. Oui, c'est rare un match nul sur ce score-là. C'est très rare. C'est vrai. Ouais. Donc, premier point laissé en route, mais voilà, le Metz reste en tête avec 5 points. Il reste 3 matchs, c'est un petit peu différent chez les féminines, puisqu'on le format est différent. Il y a un premier groupe de 4 équipes, et ensuite on va se mettre dans un deuxième tour à 2 groupes. Voilà, c'est un peu ce qui se passe au Mondial et à l'Euro, je crois. Hein. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, un tour principal qui va se dérouler après. Donc pour l'instant, Metz qui est en très bonne position pour se qualifier pour cette phase suivante et qui va recevoir, ce sera aussi dans 15 jours puisqu'il y a, c'est bien un week-end de repos pour tout le monde ce week-end. Donc le 2 novembre, réception de Kristiansand, donc l'équipe danoise qui vient de recevoir Metz justement. Ce sera donc dans 15 jours cette réception. Et puis les autres équipes qui sont engagées dans cette Ligue des Champions, eh bien c'est nos deux équipes qui sont dans le même groupe d'ailleurs, Brest et... Ah non, je confonds avec avec le basket. Donc il y a bien que Brest qui est engagé dans ce groupe. C'est le groupe C avec une victoire importante à l'extérieur en Allemagne, 35-32. Donc Brest leur permet de rester en tête avec 6 points et donc toujours invaincu. Et réception de cette même équipe allemande, là aussi, dans 15 jours, pour tenter de rester en tête de ce groupe. Donc tout va bien pour nos clubs français en Ligue des Champions. Ça réussit plutôt bien, hein, c'est vrai, ce premier tour. Ouais, voilà, à ce niveau-là de la compétition, c'est assez logique en même temps. Oui, c'est vrai. C'est pour les premiers tours. On a des clubs qui sont censés passer les premiers tours quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà pour les Coupes d'Europe. Et puis notez que ce week-end, pourquoi il n'y a pas de championnat et il n'y a aucune compétition? Mais parce qu'il y a la Golden League. Voilà, voilà la raison. Voilà. Ouais. Ça permet de rebondir sur cette Golden League, donc il va jouer son premier tour, enfin premier tour, première étape, puisque je crois que c'est 3 étapes hein, tout au long de, de l'année. Une première étape de cette Golden League avec un forfait là qui vient d'être annoncé pour l'équipe de France. C'est Yannis Lenné qui est forfait donc pour cette Golden League, en tout cas pour le premier match qui sera joué face au Danemark, grosse équipe hein, pour démarrer. Le Français qui est blessé aux adducteurs donc ne manquera ce rendez-vous qui sera jeudi après-midi ou plutôt jeudi soir à 20h15. Donc quand même une flopée de forfaits avec Adrien Dipanda, Quentin Mahé aussi qui sera absent malheureusement de cette compétition. Donc tout au long du week-end, Danemark et puis je crois également la Norvège qui sera aussi jusqu'à dimanche, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est à peu près toujours les mêmes équipes de toute façon. Oui, toujours. Ouais. Voilà, du 24 au 26. Voilà, c'est ça pour cette étape. Des matchs que vous pouvez suivre sur la chaîne L'Équipe qui va diffuser ses rencontres, également Beansport qui diffuse en payant, et ça c'est bien sûr en vue de la préparation à l'Euro, puisque l'Euro c'est déjà en janvier prochain. Ça revient vite. Ouais, c'est toujours au mois de janvier de toute façon. Ouais, c'est ça, les filles en décembre et puis les hommes en janvier. Donc les Danois et la Norvège, c'est ça, ou l'Espagne. Alors pour l'instant, il y a un petit, on ne sait pas encore tout à fait qui va être le deuxième adversaire, mais ce sera ou la Norvège ou l'Espagne le 26. Voilà, en tout cas, pour cette étape. Ouais, c'est assez surprenant. L'Espagne, on ne les voyait jamais dans cette Golden League, mais pourquoi pas, après tout. Ah oui, t'as raison, effectivement, là, je viens de le voir. Parce qu'il m'avait semblé que c'était la Norvège, sûr, mais apparemment, ouais, il y a un petit changement. C'est ce que j'avais vu aussi, ouais. Mais en tout cas, ouais, jeudi, c'est bien le Danemark. Et puis, le 26 samedi, ce sera ou la Norvège ou l'Espagne. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation. Et ce sera en Norvège, ça, c'est sûr. Quoi qu'il arrive, on ne sait pas encore. Je sais pas, au niveau du staff, la Norvège et l'Espagne, c'est pas du tout le même style de jeu, en plus, hein. Non, alors, rien à voir. Il faut bien choisir son match, là. Pas se louper. Hein. Je sais pas comment ils vont préparer ça, mais au niveau tactique, c'est pas tout à fait pareil. Ouais, bon, en tout cas, voilà. Et puis les filles, bah, elles, ce sera un petit peu plus tard, la Gold League aussi, pour préparer le mondial qui sera plus proche, puisque ce sera en décembre. Très bien, mais écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. En tout cas, on a été, on a essayé d'être complet sur toute cette actualité. Ce week-end, donc repos pour ce week-end de Golden League, et puis bah, dans 15 jours, ça repart pour tout le monde, les championnats et les coupes d'Europe, en espérant que pas que ce soit, parce que c'était plutôt un bon week-end pour tout le monde ce week-end. Ben, on espère que ça va être encore un bon week-end dans 15 jours. Voilà. Ok. Merci à toi en tout cas, Sylvain, pour l'appel. Et puis on se dit à très vite. On se dit à très vite pour un nouveau point. Ça marche. Allez, ciao, bye bye, bonne soirée. Ciao, bonne soirée à toi. Merci. Voilà donc pour et ben pour ce gros point hand, hein, on a été quand même très complet. On aura donc après ce point hand, on aura un point foot tout à l'heure avec Jérôme qui sera avec nous dans quoi aller déjà 22h42, on va être un petit peu au-delà de ce qu'on avait donné comme comme horaire, mais c'est pas grave. En tout cas, une information tiens qui vient aussi de nous parvenir, c'est que eh bien on a le logo des Jeux Olympiques de 2024 qui a été dévoilé ce soir. Voilà un logo que vous pouvez retrouver un peu partout, bien sûr sur les internets. Logo assez basique, assez simple, avec un logo avec un cercle doré à l'intérieur, vous dire trouver une flamme, la flamme olympique bien sûr blanche, et puis en dessous Paris 2024 avec une police un petit peu particulière, et puis bien sûr les fameux anneaux en dessous de cette écriture voilà, qui est assez basique, assez épurée, mais qui est plutôt sympa. Voilà, donc voilà, vous pouvez en tout cas découvrir ce logo. Donc voilà, visiblement c'est une médaille qui est dessiné avec la flamme dans cette médaille. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez vérifier et voir ce logo sur Internet. Et puis, pour la première fois, donc le logo olympique et paralympique seront les mêmes logos, ce qui n'avait pas été le cas sur les précédentes Olympiades. Donc, voilà, c'est aussi une nouveauté. Donc, en tout cas, voilà, vous pouvez voir ce logo qui a été dévoilé. Et puis, bien un peu plus tard, on aura aussi les médailles qui seront dévoilées. Fameuse médaille olympique. Voilà en tout cas pour cette info des Jeux Olympiques qui vient d'arriver. On va poursuivre avec notre programme puisque on a été très complet et très très long. Il faut bien le dire sur le hand, mais en tout cas il y avait deux choses à dire. On va poursuivre avec un tout petit mot rapide de MotoGP pour donner le résultat du week-end, et malheureusement pas de victoire encore pour Fabio Quartararo. Mais c'était encore pas loin, un petit peu plus loin que la dernière fois, mais deuxième place toujours pour le Français derrière l'un des Moulinas, Marc Marquez, Dovizioso troisième de ce Grand Prix du Japon. Et en tout cas, cette deuxième place permet aux Français d'être sacré rookie de l'année. Donc c'est une bonne distinction aussi. Et bien évidemment, on espère qu'année prochaine il y aura une victoire, pourquoi pas plus, dans cette saison de MotoGP. Voilà pour résultat MotoGP. Puis les prochains rendez-vous pour la fin de saison, trois courses encore, la prochaine dimanche déjà, Australie dimanche, donc, et puis ensuite Malaisie et Valence pour la fin de saison. Donc ça c'est en MotoGP. La fin de saison qui s'approche aussi en rallye, le championnat du monde de WRC. Il reste deux, le prochain c'est cette semaine, l'Espagne en Catalogne jeudi jusqu'à dimanche. Otanac est proche du titre, pour Sébastien Ogier rien n'est fini et il faudra absolument s'imposer, espérer une défaillance de son adversaire direct pour tenter de grappiller des points, mais le titre semble s'éloigner malheureusement pour le Français, lui qui a vaincu depuis 6 ans, mais pour l'instant c'est une saison un peu plus compliquée. Et puis enfin en Formule 1, là aussi reprise après une semaine off pour les pilotes. Là aussi la saison qui va bientôt s'achever, qui sera un petit peu plus longue que les autres qu'on a abordées juste avant. Il reste, je parti pas d'Anneri cette fois. Au programme 4 courses. La prochaine, ce sera dimanche sur le Grand Prix du Mexique sur le circuit de Mexico. Dimanche, le programme, il est comme d'habitude avec vendredi les essais libres. Le samedi après-midi, plutôt soir même, puisque ce sera 20h, hein, le rendez-vous, les essais qualificatifs. Et dimanche à 20h également. La course donc pour ce nouveau au Grand Prix où peut-être on aura un nouveau Lewis Hamilton qui va s'approcher de la victoire et le titre une nouvelle fois. Ça semble inévitable désormais cette saison. Voilà le programme de la semaine, plutôt du week-end, dans cette catégorie. Handball, on a fait le point il y a quelques secondes avec Sylvain. Poursuivons avec le basket. On vous le disait tout à l'heure, l'OLBM a largement battu, cette fois à domicile, ça c'était samedi soir face à Dijon, lourde défaite, hein, qui plus est, 85-65, à noter la victoire de l'Asvel, domicile, du Mans, et puis de Dijon à l'extérieur, que Chalon-sur-Saône reste invaincu, avec une victoire pour un petit point à Gravelines. Boulogne-l'Asvel sont toujours en tête, Monaco et Dijon, ainsi que Bourg-en-Bresse sont en dessous, à la deuxième place, à égalité. Orléans, malheureusement, 16e, et qui fait partie des équipes de bas de tableau, au même titre que Strasbourg, Limoges, Rouen ou encore Le Portel, une victoire pour 4 défaites. Attention, la remontée est difficile pour l'OLB, qui va se déplacer ce week-end pour essayer d'aller chercher des points, qui ira à Nanterre. Et ce sera samedi soir à 20h pour essayer donc de revenir un petit peu dans ce milieu de tableau. Pour l'instant, c'est une saison qui est compliquée. Nanterre qui est 8e pour ce match de samedi soir. Cette semaine, c'est la reprise en NBA avec les premiers matchs qui vont démarrer, je vous le disais tout à l'heure, dans la nuit de mardi à mercredi. À 2h du matin, ce sera Toronto face à la Nouvelle-Orléans. Et puis à 4h30, les Clippers face aux Lakers, le duel de Los Angeles. À 4h30 donc, pour ce début de saison. Et puis ensuite, ça va s'enchaîner. Hein. Je ne vais pas vous donner tout le programme de la semaine, mais il y a des matchs tous les soirs, ensuite, toutes les nuits plutôt. Voilà, à partir de la nuit suivante, donc le mercredi et jeudi, eh bien, on programme pas moins de 10 matchs. Voilà, et puis ensuite, ça va s'enchaîner jusqu'à la fin de la semaine, avec des matchs toutes les nuits. Voilà, et vous pouvez suivre tout ça, bien sûr, sur les antennes de Beansport. Alors, pas tous les matchs, mais la plupart des matchs, vous pouvez les suivre, en tout cas, sur ces antennes. Un mot des Coupes d'Europe, rapidement, avec en commençant par l'Euroleague, où on a pu suivre donc l'Asvel, qui, on vous rappelle, est engagé cette année en Euroleague, qui malheureusement a subi sa première défaite au Bayern, qui a subi la loi des Allemands 104-63. Pas de détails cette fois pour l'Asvel, qui néanmoins, avec 2 victoires et 1 défaite, reste en milieu de tableau 8e, et qui va poursuivre sa saison, enfin oui, sa saison, on peut le dire, européenne, puisque pas moins de 34 journées dans cette Euroleague, dans cette phase de championnat. Et prochain match pour l'Asvel, qui avait reçu 2 fois, donc se déplacera 2 fois, puisque l'Asvel ira à Kaunas en Lituanie. Ce sera vendredi soir, voilà, pour le début de cette 4e journée, voilà, d'Euroleague. Autre Euroleague, mais féminine cette fois, où voilà, on rappelle que nous aurons 3 clubs engagés. Bourges, qui a démarré par une défaite à Venise, 10 points de retard pour la première journée de cette Euroleague. Alors là, c'est pas le même format que chez les hommes, puisque là c'est vraiment un groupe sous forme de groupe et pas de championnat. Donc 2 groupes. Bourges, qui est dans le premier groupe, donc s'est incliné pour le premier match, recevra Prague pour le prochain. Et puis le groupe B, où on retrouve 2 clubs, donc on l'a dit français, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sur le hand, mais là c'était une petite erreur, puisque c'est bien en Euroleague qu'on a 2 clubs français. Lyon, donc l'Asvel, et puis Latte, Montpellier, qui malheureusement ont tous 2 perdu, respectivement à l'extérieur et à domicile. et qui tenteront de, on l'espère, de s'imposer dans lors des deuxièmes journées. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas pour commencer à prendre des points dans cette Euroleague, Montpellier à l'extérieur et puis Lyon à domicile. Donc ça c'est pour l'Euroleague, donc on retrouve deux, ça c'est la bonne nouvelle, deux clubs cette année qui sont engagés dans cette Euroleague. Et puis les autres compétitions, l'Eurocoupe qui est la deuxième compétition, Monaco qui s'est incliné aussi à l'extérieur pour cette troisième match de phase de groupe. Limoges qui également s'est incliné en Russie, malheureusement, décidément. Et enfin Nanterre qui s'est incliné aussi à domicile. Donc c'est pas c'était pas une bonne semaine, malheureusement, pour nos clubs français dans cette Eurocoupe cette semaine. Mais voilà, la saison est longue aussi et tout peut changer dans cette compétition. Et puis enfin la Ligue des Champions, qui est la dernière compétition, la troisième, avec Strasbourg qui démarrait, hein, c'était le début de cette Ligue des Champions, qui s'est imposée pour les débuts de cette compétition à domicile. Ça c'est une bonne nouvelle. Pau malheureusement s'est incliné largement, d'ailleurs, de, je dis pas de bêtises, de 20 points, voilà c'est ça, malheureusement à Athènes, 20 points de moins, ça fait quand même beaucoup. Et puis pour terminer, Paula Cortez et puis notre dernier club engagé dans cette Ligue des Champions, c'est Dijon, qui de son côté s'est imposé à domicile et qui va pouvoir enchaîner sereinement la suite de cette compétition, de cette Ligue des Champions. Donc là aussi difficile de s'y retrouver, il y a beaucoup de compétitions au basket européenne, donc l'Euroleague, l'Eurocoupe, Ligue des Champions, voilà le dans l'ordre des, on va dire, de l'importance de la compétition, voilà comment ça se situe. Voilà pour le basket, donc cette semaine NBA et puis bien sûr championnat et puis bien sûr aussi les coupes d'Europe. Poursuivons après le basket avec du rugby. Le rugby est bien sûr cette défaite du 15 de France, malheureusement, quart de finale de la Coupe du Monde, battue par le Pays de Galles, le score 20-19, assez cruel, très cruel même pour les Français qui ont fait une première mi-temps de folie avec trois essais. D'abord à la cinquième minute, Vamina qui va marquer cet essai. 8e minute, Olivon pour un deuxième essai, transformé cette fois par Ntamack puisque le premier avait malheureusement heurté le poteau. 31e, Vakatawa qui lui aussi va y aller de son essai, également transformé. Et puis malheureusement plus rien après cette 31e minute, 19 points marqués en 30 minutes et puis plus rien ensuite en 50 minutes. Il y aurait bien eu des occasions dans les 10 dernières minutes de la première période avec un Pays de Galles réduit à 10, à 14, pardon. Et malheureusement, cet essai n'aura jamais été marqué. Et puis, une pénalité aussi qui a trouvé le poteau. Assez cruelle aussi, cette pénalité sur le poteau. Et des occasions en deuxième, également deuxième période. À 5 mètres de l'embut gallois, mais quelques mauvais gestes, quelques maladresses n'ont pas permis aux Bleus de remarquer des points dans cette deuxième période. Et puis surtout cette expulsion de Vahamina qui à la suite d'un coup de coude a été exclu très logiquement et qui a laissé ses coéquipiers à 14 pendant une demi-heure, ensuite très compliqué pour les Bleus qui ont fini par craquer après un essai de Moriarty à la 74e, à 6 minutes de la fin. Cette rencontre, bien sûr, transformée par l'inimitable Bigard, juste à côté des poteaux, un peu à droite des poteaux, 74e, et puis derrière les Gallois qui ont gardé le ballon jusqu'à la fin pour s'imposer. Et malheureusement, cruelle défaite pour les Bleus qui vont s'arrêter là dans cette Coupe du Monde pour un match qui a été pourtant peut-être le plus maîtrisé de cette compétition. Mais malheureusement, la fériorité numérique aura été fatale pour elle. Et une nouvelle fois, après la défaite il y a 4 ans en quart de finale, nouvelle défaite en quart de finale pour les Bleus, qui vont aussi perdre des joueurs emblématiques. C'est le cas pour le capitaine Guillaume Guirado. Voilà, il y aura aussi Maxime Médard, très probablement, qui s'arrêtera aussi après cette Coupe du Monde, Yohann Huger. Voilà, des références dans le rugby français qui, malheureusement, laisseront seule leur place pour une nouvelle génération qui est là, bien sûr. Hein. Alors, aussi, une info qu'on a eu après aujourd'hui, c'est celle de Vahamina qui a décidé de mettre un terme déjà, alors qu'il est tout jeune, à sa carrière internationale. Alors, est-ce que c'est sous le coup de cette expulsion, peut-être, en tout cas, peut-être pris un peu sa décision un peu rapidement, mais en tout cas, l'annonce a été faite aujourd'hui. On verra s'il va revenir sur ces mots un peu plus tard, un petit peu sur le coup, peut-être, de ce carton. On verra, en tout cas. Malheureusement, c'est fini à 15 jours de la fin de la compétition, puisqu'il y a encore 15 jours de compétition. Eh bien, la France s'arrête là, dans ce mondial. Les autres résultats de ce mondial, quand même, de ces quarts de finale, qui ont vu les victoires assez logiques, en fait, il faut bien le dire, de l'Angleterre face à l'Australie, 40-16. Il n'y a pas eu de détails. Pareil pour Nouvelle-Zélande et Irlande, 46-14. Et puis l'Afrique du Sud qui a eu du mal, qui a mis du temps à s'imposer face au Japon, mais finalement qui s'impose aussi largement, 26-3. Voilà, trois résultats un peu larges, et puis ce seul match des Français un petit peu plus serré. Les demi-finales, samedi matin à 10h, Angleterre-Nouvelle-Zélande. Le choc, déjà la finale presque avant l'heure, samedi à 10h. Et puis dimanche à 11h, Pays de Galles, Afrique du Sud. Deux beaux matchs que je vous conseille, bien sûr, sur TF1, les deux rencontres, samedi matin et dimanche matin. Et puis la finale, elle aura lieu dans 15 jours, le 2 novembre à 10h. Voilà, pour retrouver peut-être un champion inédit, peut-être encore une fois la Nouvelle-Zélande ou l'Angleterre. En tout cas, on le verra dans 15 jours et d'ici là, les demi-finales ce week-end. Voilà pour la Coupe du Monde. Autre info, toujours dans le rugby, avec ce résultat de Top 14, puisqu'il y avait aussi du Top 14, hein, ça vous le savez. La 8e journée, les victoires de Montpellier, toutes les équipes à domicile d'ailleurs ont gagné. Hein. Montpellier, Pau, Agen, Toulon, Brive, La Rochelle et Clermont. Toutes les équipes à domicile se sont imposées. Le classement, Lyon est toujours en tête. Une seule défaite hein, pour cette victoire. La première défaite, c'était donc là, ce week-end. Bordeaux-Bègles, deuxième, 26 points. Bayonne, troisième, 21 points. Clermont, Toulon, La Rochelle, Montpellier, septième. Toulouse, seulement 11e. Castres, 12e. Le Racing, 13e. Et puis le Stade Français, 14e. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. 9 points. Attention pour le Stade Français qui est dangereusement dernier. Il va falloir vite revenir. Alors évidemment il y a les internationaux qui vont revenir, ça va faire du bien pour tout le monde hein. Pas que pour le Stade Français, mais ça va faire du bien à tout le monde. 9e journée, eh bien pas ce week-end, pas de match, mais le week-end, pas le week-end non plus suivant, mais encore ensuite il n'y a pas de match, il y aura pas de match pendant 15 jours, pas de Top 14 pendant 15 jours. Et pourquoi vous allez dire il y a de la Coupe d'Europe? Eh bien non, puisque la Coupe d'Europe ce sera seulement mi-novembre. Pas de match pendant 15 jours, puisqu'on va rester sur la fin de cette Coupe du Monde sans rencontre. Alors c'est bien, il va pouvoir y avoir qu'une seule actu durant le week-end, durant les deux week-ends prochains. Donc pas de match pendant 15 jours sur le Top 14. Voilà pour le rugby français européen. Et puis terminons avec le rugby local, avec le RCO qui a enfin remporté sa première victoire de la saison. Ça fait plaisir pour le RCO qui restait sur un début de saison très compliqué, faut bien le dire, avec des défaites assez larges. Et enfin une victoire pour le RCO, 37-13, largement en plus, face à Sarcelles à domicile. Du coup, avec cette victoire, Orléans remonte à la 11e place avec 7 points. Donc une victoire qui était importante. Prochaine journée, dimanche, ce sera pour le RCO un déplacement au Paris Université Club, au PUC. Donc ce sera dimanche à 15h pour donc essayer de, d'enchaîner donc ce sera dimanche, c'est ça, pour enchaîner on espère une seconde victoire consécutive. Voilà pour le RCO. Des matchs en direct qui démarrent partout, puisqu'il y a aussi des directs ce soir, on le disait tout à l'heure. En Ligue 2, c'est parti depuis 15 minutes entre Lens 2e et Auxerre 7e, 0-0. C'est parti à l'instant entre Sheffield United et Arsenal. Et puis en Italie, c'est parti aussi entre Brescia et la Fiorentina, 0-0, donc dans ces deux rencontres. En tennis, trois matchs même en cours. Le premier, c'est à Bâle, l'ATP 500 de Bâle, dont on parlera dans un instant au tennis, entre Alex de Minaur, qui a bénéficié d'une invitation d'ailleurs pour le tournoi, qui affronte De Lien, le jeune tennisman bolivien, qui lui est aussi présent et qui s'est qualifié. 6-1, première manche pour l'Australien de Minaur, et on attaque la deuxième, 1-0 à l'instant pour De Lien. Benoît Paire qui a lancé son match aussi face au Suisse Laaksonen, lui aussi invité. 3-2 pour le Français, le Suisse qui va servir pour recoller. Un peu plus tôt dans l'après-midi, dans la soirée, on a eu les victoires de Jan Lachtruf, l'Allemand, face à Kekmanovic, 6-4-6-2, et de Roger Federer face à Gojovic, 6-2-6-1. À Vienne, l'autre tournoi de la semaine, c'est Hubert Hurkacz, le Polonais, qui affronte Karen Khachanov, qui est présent en tête de série numéro 2. Un partout dans le début de cette rencontre. Schwartzmann, on verra aussi hein, tout à l'heure les résultats, mais qui a battu Pierre Gerber. Le Français s'est bien fini 6-4-6-4. Victoire de Fuskovic face à Sonego, 6-4-6-4 également. De Berrettini, qui est la tête de série numéro 3, face à Kyle Edmond, 3-6-6-3-6-4. Et de Grégor Dimitrov face à David Zumour, 6-3-7-5. C'est à Vienne que ça se passe ces rencontres. Voilà pour le direct tennis. Tennis, ça nous permet d'enchaîner avec justement l'actualité de cette semaine. Tennis. Première chose, on va d'abord démarrer avec le programme de la semaine. Voilà, et puis bien sûr ensuite, on aura aussi d'autres infos. La semaine dernière, d'abord... deux infos, c'est que même trois tournois qui se déroulent la semaine dernière. D'abord à Moscou, la victoire du jeune russe Andrei Rublev, qui avait sorti notamment Roger Federer, c'était à Wimbledon, si je dis pas de bêtises, c'est ça, qui s'est imposé à Moscou en battant en finale Adrian Manarino, 6-4-6-0. Voilà, Manarino malheureusement battu, mais qui a fait un gros parcours quand même dans ce tournoi. En tout cas, bravo aux Russes qui s'est imposé. Autre tournoi, c'est à Stockholm, victoire de Denis Shapovalov, le Canadien, qui s'est imposé face à Krajinovic, 6-4-6-4. Et puis, victoire d'Andy Murray, qui remporte son premier tournoi depuis sa reprise, qui a battu en finale Stan Wawrinka tout de même. 1-3 manches, 3-6, 6-4, 6-4. Ça va beaucoup mieux pour Murray, on le voyait depuis quelques semaines. Hein, il y a eu un début difficile, une reprise difficile avec quelques défaites. Mais depuis un petit peu, il enchaîne les rencontres, il enchaîne les victoires. Et première victoire en tournoi. Premier titre en tournoi, donc en 3 manches. Face à la Wawrinka tout de même, ce qui n'est pas rien. Qui a sorti Hugo Humbert en demi-finale aussi, Andy Murray. Un beau parcours pour lui. Hubertus Copil aussi au tour précédent. On a aussi une victoire face à Cuevas, quand même pas n'importe qui, au deuxième tour. Et puis au premier tour, Kopetjan, un Belge, donc au premier tour. Donc voilà, Andy Murray qui va beaucoup mieux cette semaine, en tout cas qui va reprendre quelques places au classement et ça va beaucoup mieux pour lui. Dans cette saison qui avait été compliquée pour la reprise, mais là qui va en tout cas beaucoup mieux, et on espère qu'il va pouvoir revenir très vite au haut niveau et pourquoi pas aller loin dans les gros tournois. En tout cas là c'était un 250, mais voilà, il faut bien repartir tranquillement et dans les plus petits tournois pour remonter, on verra, on espère dans le top 100. Cette semaine, donc on le disait, deux tournois au programme de cette semaine. On aura donc, on le disait, Vienne. C'est le premier, donc 2500 hein, cette semaine en indoor. Vienne d'abord, où donc on aura, on le disait tout à l'heure, hein, au-delà de Karen Khachanov, Dominic Thiem en tête de série numéro 1, qui va affronter Joey Fritzonga au premier tour, qui a été invité hein, par l'organisation du tournoi. Voilà donc Dominic Thiem. On aura donc Karen Khachanov donc qui est en direct face à Urquhart. Côté français, Adrien Manarino, Pierre Gerber face à Couerec, Pierre Gerber face à qui a été malheureusement battu par Schwartzmann, Gaël Monfils qui jouera demain, Gilles Simon face à Lopez et son gars face à Thiem. Voilà pour les Français engagés cette semaine à Vienne. Et donc au-delà de on l'a dit, de Khachanov et de Thiem, on aura également Berrettini qui sera par présent, Schwartzmann ou encore Oji Aliassim qui seront donc engagés dans ce tournoi de Vienne. Et puis l'autre tournoi de la semaine, comme chaque année bien sûr, c'est le tournoi de Bâle, là aussi sur un ATP 500. Roger Federer à son habitude est présent chez lui, où d'ailleurs il atteint un contrat à vie hein, pour participer à son, alors à vie jusqu'à sa retraite bien sûr, mais il y participe chaque année. 9 fois vainqueur ici à Bâle, il vise un 10e titre et ça commence bien pour lui puisqu'il a battu au premier tour tout à l'heure facilement Gojovic l'allemand 6-2 6-1. Voilà, tranquille pour lancer son tournoi. On attend un possible quart de finale face à Stan Wawrinka qui affrontera Cuevas au premier tour. Voilà donc un beau quart de finale en prévision. Côté français, Richard Gasquet, Benoît Paire qui joue d'ailleurs en ce moment et qui en est pour l'instant, il y a un break malheureusement de retard, et puis c'est tout. Côté français, c'est déjà pas mal. Donc Gasquet et Paire, Alexander Zverev et la tête de série numéro 2. On aura également Tsitsipas hein, quand même engagé cette semaine aussi. Donc du beau monde, David Goffin, Bautista Agut, un plateau plutôt relevé à Bâle. Le Suisse qui aura fort à faire pour remporter un 10e titre à Bâle et pourquoi pas un 104e en carrière. Lui qui a 500 points à défendre puisqu'il s'est imposé l'an passé en vue du classement final. Puis bien sûr il y aura Paris-Bercy et puis le Masters enfin en fin de saison. Ça on en a pris l'habitude. Toujours en tennis, à noter, une information côté Coupe Davis. La Coupe Davis, avec la phase finale de cette Coupe Davis, que l'on a donc apprise, en tout cas pour la France, la Coupe Davis, la sélection de Sébastien Grosjean est annoncée aujourd'hui, avec Gaël Monfils, Joël Fritzonga, Pierre Gerber, Nicolas Mahut, pour le double, bien sûr, et Benoît Paire. Donc, ont été sélectionnés pour la phase finale de cette Coupe Davis, qui aura lieu, on le rappelle, en novembre à Madrid. Voilà, donc ces cinq joueurs sont appelés pour donc disputer deux matchs de poule. Donc il y aura le Japon le 19 novembre et puis surtout la Serbie le 21. Et puis donc Lucas Pouille, lui, on rappelle, qui a mis un terme à sa saison pour une blessure au coude droit. Et puis Gaël Monfils, lui, fait son retour après 3 ans d'absence, un peu plus de 3 ans d'absence chez les Bleus. Deux matchs de poule, on rappelle, hein, le Japon, avec très probablement, c'est pas en tout cas annoncé pour l'instant, mais Kei Nishikori. Alors non, qui s'est annoncé à l'instant, on l'a appris d'ailleurs il n'y a pas longtemps, oui, c'est que Kei Nishikori ne sera pas présent, ne participera pas à cette Coupe Davis, c'est de nouveau format en tout cas de Coupe Davis, qui est blessé, malheureusement, le Japonais. Voilà, donc, et deux autres joueurs du top qui sont en bas du top 100, Nishioka et Uchiyama sont donc là aussi présents par contre pour le Japon, et Sugita qui lui aussi sera présent, mais pas de Kei Nishikori. Et puis avec la Serbie, là on l'a appris aussi aujourd'hui, ce sera Novak Djokovic qui sera présent Il avait annoncé qu'il voulait jouer avec la Serbie. Après, il y a eu sa blessure qui a mis en cause cette participation, mais il sera bien présent en tout cas. Il a annoncé aujourd'hui, en tout cas, il est dans la sélection de la Serbie pour jouer ce Coupe Davis. On rappelle, sera du 18 au 24 novembre. Voilà, et il sera bien présent, le Serbe, pour jouer cette nouvelle formule avec également Dusan Lajović, 33e mondial, Kradinović, 46e. Et puis les autres seront Viktor Trojki et Tsanko Tipsarevic, là aussi, qui joue toujours, hein, seront là aussi avec la Serbie pour compléter cette sélection. Voilà. Donc pour la Serbie, donc voilà où on en est. Et puis on rappelle que la France, voilà, sera amenée à jouer deux matchs de poule à chaque fois, donc on verra un petit peu quel est le format de cette nouvelle compétition. C'est la même compétition, mais un petit peu différente quand même dans le format. Et voilà, on espère que ça va bien prendre quand même ce nouveau format qui est pas facile à comprendre, mais on verra en tout cas d'ici un petit mois maintenant le début de ce nouveau format. Et puis tiens, côté Russie, on peut vous annoncer aussi bien évidemment les apparitions de Medvedev et Khachanov, voilà, qui sont les deux gros joueurs du moment. Côté Russie, ils seront présents. André Rublev aussi, qui vient de s'imposer, eh bien sera là, donc trois gros joueurs, hein, avec la Russie qui va être redoutable, hein, on peut l'imaginer. Et puis on aura Donskoy pour terminer, la Russie qui sera avec la Croatie et l'Espagne. Croatie avec Cilic, bien sûr, et l'Espagne. L'Espagne qui sera avec Nadal. Voilà, lui aussi avait annoncé il y a quelque temps qu'il serait présent avec l'Espagne. Eh bien, c'est fait, il sera bien là avec Cupusa à domicile. Avec Roberto Bautista Agut, elle a aussi gros joueur, Felice Lopez, Pablo Carreño Busta, Marcel Granollers. C'est aussi une belle équipe côté Espagne, va se présenter pour cette Coupe Davis dans quelques semaines. Voilà. Puis d'autres compositions tomberont un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on a sur les différentes compositions. Tiens, côté classement, Andy Murray disait qu'il fait un bond de 116 places. Il est 127e désormais, après cette victoire lors de ce tournoi du week-end. Ouais, il a bien remonté, il n'est pas dans le top 100 encore, mais il est 127e après 116 places de gagné, tout de même, ce qui est assez énorme. Voilà, donc ça va beaucoup mieux. Et puis le reste en haut, Nishikori qui récupère une place au dépens de Khachanov, donc 8e et 9e. Pas de mouvement plus haut. Mon fils perd une place, il est 14e. Vavrinka en gagne une, il est 17e. Rublev, 9 places de gagné, 22e, c'est son meilleur classement. Benoît Paire qui en perd 2. Songa n'a pas bougé, 36e. Voilà, Gilles Simon aussi qui perd quelques places. Et puis un tiers groupé de Français, hein, 63, 64, 65, 66, avec Humbert, Gasquet, Chardy et Herbert. Voilà, les 4 qui se suivent. Et puis Humbert qui en a pris 7, alors que Gasquet en a perdu 7. Hein. Voilà, et puis Barrère qui est l'un des derniers du top 100, 84, et Moutet 94. Voilà les Français dans le top 100 des joueurs qu'on a vus à Orléans, tout comme Antoine Wang qui est 108. Voilà pour le classement de cette semaine. Voilà, je crois qu'on a été complet sur le tennis. Le temps de marquer une petite pause et on revient. Pour le foot, on n'a pas terminé encore, on n'est pas en avance du tout, mais c'est pas grave. On va donc marquer une petite pause, on revient avec le foot. Jérôme pour nous suivre avec cette partie foot. On va essayer d'être assez rapide, c'est jamais facile, mais on va essayer quand même. Les directs, pas de but encore dans nos trois directs foot. Avec Lens Auxerre 0-0, 26 minutes de jeu. C'est ça. En Angleterre, Sheffield United face à Arsenal 0-0. En Italie, Brescia Fiorentina 0-0. Les deux matchs à 15 minutes de jeu. En tennis, bien sûr, ça bouge. Benoît Paire qui a perdu la première manche face à Laaksonen, le Suisse 6-3. Et puis De Lien qui a beaucoup mieux face à Dominor, qui mène 3-0. Break d'avance donc dans la seconde manche après avoir perdu la première. Kachanov a breaké le Polonais Urkas qui mène 3-2, qui va tenter de confirmer son break dans un instant. Voilà les matchs en direct. Le son tout de suite, qu'est-ce qu'on nous propose en ce moment? Plein de choses, bah oui, je le sais, comme d'habitude, plein de propositions avec George Michael, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas George Michael? Eh bien, George Michael, bah oui, alors on y va. George Michael avec Careless Whisper, et bah c'est parti pour Careless Whisper. Et dans un instant, alors elle est un petit peu longue, on va peut-être pas aller au bout, mais on va revenir un petit peu avant pour la deuxième partie. George Michael, Careless Whisper, dans un instant le foot, Jérôme avec nous. Et dans la foulée, on va se quitter, il est déjà 21h15, 16-17 même. Ça va vite. A tout de suite. C'était à l'instant George Michael pour Careless Whispers. On a été au bout finalement. On a été au bout de ce titre. Tout de suite, c'est le foot avec rapidement, puisqu'on n'est pas en avance, pas du tout même, de cette soirée. 21h22. On va évoquer le foot très rapidement européen avec le point sur ce qui s'est passé. Et puis dans la foulée, on va enchaîner avec Jérôme qui va être avec nous pour eh bien, la dernière partie. Rapidement, en Allemagne, match nul pour le Bayern à Augsbourg, 2-2. Victoire de Dortmund 1-0. Et puis, défaite de Schalke à Exeter 2-0. Mönchengladbach premier avec Wolfsburg 16 points, les deux. Bayern, Dortmund, Leipzig 15 points. C'est rien, en gros. Et puis 14 points aussi pour Fribourg, Schalke, Francfort, Leverkusen. Tout se joue de la première à la 9e place en 2 points. Décidément, c'est très serré. En bas, pas de borne. Un seul point sur 10 matchs. C'est fait sur 8 matchs, pardon. Enfin, c'est déjà pas mal. Augsbourg et Mayence, 6 points. Sont en bas de tableau. L'Italie, pour enchaîner avec la journée de Serie A, 8e journée. La Lazio tenue en échec par la Bergame 3 partout. La victoire du Napoli 2-0 face à Vérone. Victoire de la Juve 2-1 face à Bologne. Victoire et but de Ronaldo. L'Inter, dans un gros match, s'impose à Sassuolo 4-3. La Roma va tenue en échec à Gênes 0-0. Et enfin, le match nul également de l'AC Milan face à Lecce 2-0. Et en direct, c'est Brescia Fiorentina 0-0 pour l'instant dans la rencontre. La Juve est en tête de 22 points, qui reste sur 5 victoires sur les 5 derniers matchs d'ailleurs. L'Inter 2ème 21 points, Bergame, Naples, Cagliari, la Roma, la Lazio 7ème et le Milan c'est seulement 12ème, qui a du mal dans ce début de saison. Après l'Italie, c'est l'Espagne, bien sûr. L'Espagne. Et la 9e journée, le Barça qui gagne à Eibar 3-0, avec un but de chaque attaquant d'ailleurs, Griezmann, Messi, Suarez. Le Real battu à Majorque 1-0, qui va du coup laisser sa place de leader au Barça. 19 points pour le Barça, 18 pour Real, 17 pour Grenade, 16 points pour la Real Sociedad, pour l'Atlético de Madrid et pour le FC Séville. Et enfin l'Angleterre, la Première Ligue bien sûr. Et la 9e journée également, victoire de Chelsea face à Newcastle Electric 1-0, celle de City 2-0 à Crystal Palace, les premiers points perdus par Liverpool à United, 1 but partout, et qui a pu sauver un point quand même. Liverpool reste bien sûr en tête, 25 points, City 19 points, Leicester, Chelsea sont derrière avec 17 points. Arsenal avec un match de retard à 15 points pour le moment, pour l'instant fait 0-0 à Sheffield United. Tottenham 7ème et United qui va très mal, et 13ème avec 10 points seulement en bas de Newcastle, Norwich et Watford. Voilà pour la Première Ligue et les résultats de ce week-end. On poursuit donc avec la Ligue des Champions, notamment bien sûr, puisque cette semaine c'est la nouvelle journée de Ligue des Champions. On va avoir Jérôme avec nous dans quelques secondes. D'ailleurs, on va essayer de joindre Jérôme pour cette dernière partie. On espère qu'il va répondre pour cette dernière partie. Ligue des Champions, Ligue Europa, et puis, bien sûr, les Ligue 2 et Ligue 1 habituelles. On n'est pas en avance, hein, donc on va essayer de faire rapide avec Jérôme. Et visiblement, Jérôme n'est pas avec nous. On va essayer de retenter une petite mise en relation pour et puis tiens, le Ballon d'Or aussi, hein, effectivement, qui a donné ses nommés, hein, pour cette édition. Évidemment, on en parlera aussi de cette nouvelle édition. Donc Jérôme, qui malheureusement ne sera pas avec nous pour le moment, on va essayer de le joindre un petit peu plus tard. Mais en tout cas, on va poursuivre avec la Ligue des Champions cette semaine. Eh bien, cette semaine, c'est la 3e journée. Paris se rendra à Bruges, ce sera demain soir à 21h, pour tenter de rester bien en tête, avec pour l'instant 6 points et pourquoi pas 9 points. Ce serait l'idéal pour le Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions. Donc pour l'instant, tout va bien dans cette compétition pour le PSG. Ça, c'est donc pour le groupe de Paris. Bien évidemment, on va aussi parler des autres groupes qui nous intéressent, plus particulièrement celui, bien sûr, de Lyon et de Lille, engagé cette année aussi hein, dans cette Ligue des Champions. Lyon qui, de son côté, va le temps de retrouver, il y a tellement de groupes, le groupe G, bien sûr. Lyon qui va se déplacer au Benfica à Lisbonne, qui est dernier, qui a été battu deux fois. Hein, donc, est-ce que c'est la victime idéale? On verra. En tout cas, Lyon est à égalité avec le Zénith avec 4 points. À contrario du championnat, dont on parlera après, où ça va beaucoup moins bien pour les Lyonnais. Et enfin, Lille, battu deux fois, en train de prendre ses premiers points à domicile face à Valence, qui a remporté un match. Donc, on verra. Ce sera jeudi soir, hein, mercredi soir. Cette rencontre de Lille. Et puis Lyon, ce sera donc demain, on le disait, hein, pour les Lyonnais. Un déplacement à 21h. Non, mercredi également. Donc mercredi pour les Lyonnais. Demain Paris. Et mercredi, Lyon et Lille. Hein, voilà, pour être précis. Voilà, Lille, ce sera également à 21h. Voilà. Et puis en Ligue Europa. Là aussi, les clubs français qui sont bien sûr engagés cette année dans cette Ligue Europa. Malheureusement, deux seulement cette année, deux clubs français seulement engagés cette année dans cette Ligue Europa. Là aussi, on va revenir sur Rennes et sur Saint-Etienne hein, cette année, qui ont assez mal démarré, il faut bien le dire, lors des deux premières journées. Rennes, qui n'a pris qu'un point sur les deux matchs, recevra Cluj. Ce sera jeudi soir, qui a 3 points. Donc voilà le débat pour les Rennais. Et puis les Stéphanois, qui là aussi ont pas très bien démarré cette saison. Et puis c'est le cas aussi en championnat d'ailleurs. Même si ça a été beaucoup mieux ce week-end, on va en parler. Les Stéphanois, là aussi, engagés. Dans cette Ligue Europa qui va recevoir ce sera jeudi soir le club de Alexandria qui est dernier à égalité avec un point, donc absolument victoire impérative pour rejoindre les co-leaders qui est Wolfsburg et la Gantoise jeudi soir. Donc pour ces deux rencontres, Ligue Europa pour nos clubs français. Et à 21h30, c'est la Ligue 2, tout de suite, que l'on évoque. La Ligue 2, avec la journée qui nous intéresse. D'ailleurs, en direct, c'est Lens-Auxerre, hein, 40e minute, 0-0 toujours. Et puis 0-0 toujours en Angleterre, en Italie. Il n'y a pas de but hein, pour l'instant. En tennis, bien sûr, ça a bougé. On va suivre, on va revenir sur les directs dans un instant. Avec 3 rencontres, bien sûr, en tennis. Demi-Nord qui a refait son retard, son break qui est mené 4-3. Benoît Paire qui sert pour revenir à 3 partout dans la deuxième manche, 4-9 à break, on le disait, et sert pour le gain du premier set hein, face à Urquaz. Ligue 2 donc, c'était la 11e journée. Pour Orléans, triste match nul face à Grenoble, 0-0, mais un point ramené. Pas moins de 4-0-0. Je dis 4-5-0-0. Oui, c'est ça, 5-0-0 dans ce vendredi soir. Chambly-Sochaux, Ajaccio-Nancy, Niort-Guingamp, Caen-Valenciennes et Grenoble-Orléans. Alors, c'est pas qu'on veut pas vous parler des matchs, mais il n'y a pas eu de but. Ça, c'est compliqué. Ensuite, un petit 1-0 pour le Paris FC à Châteauroux. Un petit 1-0 aussi pour Rodez à Clermont. Et un peu plus de buts à 3 ou 3 battus Le Mans 2-1. Heureusement, hier, Le Havre et Lorient nous ont fait un plus de spectacle avec un match nul de partout. Et puis pour le moment, bah, on semble se diriger sur un triste match, puisqu'il n'y a que 0-0 entre Lens et Auxerre. En tout cas, très peu de buts. Et 5-0-0, ça sert pour signaler en Ligue 2 ce week-end. Est-ce que c'est l'effet post-très international? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça a été très compliqué pour cette journée. Lorient est leader toujours avec 24 points. Lens deuxième 20 points avec ce match de retard qui pourrait permettre à Lens de revenir à un point de Lorient. Sochaux troisième 19 points. 3 19 points. Ajaccio 19 points. Là c'est Ajaccio. Le Havre Sudirac 6e, Auxerre 10e, Orléans est 16e, 8 points. 8 points aussi pour Caen, pour le Paris FC. Également, Châteauroux est 10e avec 7 points. Et Le Mans, dernier avec 6 points. Malheureusement, pour les équipes du secteur, c'est pas la joie du tout pour le moment dans cette saison de Ligue 2. Voilà le classement. Et puis, évidemment, on vous propose la journée suivante qui sera la 12e journée. On espère qu'il y aura déjà plus de buts. Il n'y aura pas de mal, vous allez me dire. Et bien, ce sera face à Châteauroux. Match crucial face à Châteauroux qui est 19e. Un point de retard. Il faut absolument s'imposer. Allez-y, encouragez les Orléans à besoin. Vendredi soir 20h, ça de la source pour affronter Châteauroux. Et on espère bien sûr un succès crucial déjà dans cette saison. Voilà la Ligue 2. Avant de parler de Ligue 1, on va y revenir dans un instant. Un petit mot du Ballon d'Or, très rapidement, pour vous annoncer que 3 Françaises ont été retenues dans la sélection de ce Ballon d'Or, qui ont été retenues dans les nommés. C'est le cas pour Amandine Henry, pour Wendy Renard et pour Sarah Boisdi, qui ont été nommées pour le Ballon d'Or 2019. On espère que, pourquoi pas, l'une des trois vont pouvoir remporter le Ballon d'Or cette année. L'américaine Megan Rapinoe, rappelle, comme meilleure buteuse et meilleure joueuse du mondial, apparaît bien sûr comme la favorite de Dada. Egerberg qui avait remporté le Ballon d'Or l'année passée. Évidemment, ça semble très logique pour le moment dans ce choix. Et donc, en tout cas, 3 Françaises qui ont été sélectionnées, c'est plutôt sympa pour nos Françaises. Et puis chez les hommes, les habituels, vous le savez, ont été retenus aussi. On n'a pas la liste complète, mais en tout cas, donc on manquera pas de vous en reparler de cette composition de ce Ballon d'Or 2019 pour savoir qui remportera côté homme ce Ballon d'Or. Mais on aura bien sûr les habituels comme Lloris, c'est le français, Manet. On aura De Jong, Tadic, Agüero, voilà. Ce sera le 2 décembre que sera dévoilé les vainqueurs. Les vainqueurs, parce qu'il y aura plusieurs hommes et femmes, ainsi que le meilleur but. Pas mal de récompenses seront données lors de cette soirée. En tout cas, ce sera le 2 novembre et on en reparlera, évidemment. Finissons avec la Ligue 1. Et ce sera la 10e journée dont on va parler. La victoire du Paris Saint-Germain, logique. À Nice 4-1, c'était pour ouvrir la journée vendredi. Triste le 0-0 entre Lyon et Dijon. Lyon qui en perd encore 2 points en route. Metz qui bat Nantes 1-0. Brest qui s'impose sur le même score à Angers. La victoire de Toulouse face à Lille 2-1. Reims qui bat Montpellier 1-0. Le match nul, le deuxième nul de week-end, c'est entre Nîmes et Amiens, un partout. Victoire sur le fil de Saint-Etienne à Bordeaux, toute dernière minute. Même chose pour Monaco qui s'impose à la fin contre Rennes 3-2 dans un match à rebondissement. Ben Yedder qui permet grandement de donner la victoire aux siens, puisque Ben Yedder qui marque un doublé. Et hier, victoire de Marseille à domicile face à Strasbourg, et Camara et Strootman qui permettent à Marseille de s'imposer. Au classement, évidemment, toujours en haut, c'est Paris avec 24 points. Nantes, 2e, 19 points. Reims, 3e, 17 points. Marseille, 4e, 16 points. Angers, 16 points. Bordeaux, 15 points. Lille aussi, 15 points. Saint-Etienne remonte un petit peu, 10e, 14 points. Monaco reprend aussi des couleurs avec 14e place avec 12 points. Lyon est seulement 17e, 10 points. Nîmes également, 10 points. Dijon et Strasbourg, 9 points. Et Lyon qui a un point de la zone rouge, attention pour les Lyonnais qui vivent une saison compliquée, pas de victoire sur les 5 dernières rencontres. Hein. Et qui vont en plus de ça enchaîner avec la Ligue des Champions cette semaine. Un mot des directs avant de se quitter, de vous donner l'agenda très rapidement. À mi-temps, lancé au Serre 0-0. Vous pouvez suivre la fin, suite et fin sur Canal Plus Sport. C'est ça. Pour voir la suite de cette rencontre. En Angleterre, Sheffield Arsenal 1-0 pour Sheffield qui a ouvert le score à la 30e minute. Brescia-Fiorentina en Italie, 0-0. Au tennis, Benoît Paire, pas de break. Et Kachanov a remporté la première manche à Vienne. Voilà les directs que vous pouvez suivre sur la suite de cette soirée. Eh bien, le programme de la semaine, je disais foot, Ligue 1 et Ligue 2, ce sera à partir de vendredi. On vous le disait, alors on ne vous l'a pas annoncé, mais la journée de Ligue 1, mais bien sûr, il y aura une nouvelle journée ce week-end. Hein, programme Nantes-Monaco, ce sera vendredi soir. Lille-Bordeaux, c'est samedi. 5 matchs à programme samedi à 20h. Et puis dimanche soir, Paris-Marseille, bien sûr, au programme à 21h, le fameux Classico. Voilà, donc ça, ce sera cette semaine. Ligue 2, Orléans-Châteauroux, c'est important, c'est vendredi soir, 20h, au stade de la Source. Tennis, cette semaine, il y a deux tournois au programme, Bâle et Vienne, c'est des ATP 500. Federer en quête d'un 10e titre chez lui à Bâle. Le rugby, les demi-finales de la Coupe du Monde, sera énorme, ça, à suivre, hein, bien sûr, je vous conseille. Angleterre-Nouvelle-Zélande, samedi à 10h, Galles-Afrique du Sud, dimanche à 11h. Soyez au rendez-vous sur TF1 pour ces deux affiches qui promettent. En basket, ça démarre pour la NBA cette semaine. Enfin, surtout à partir de demain, la nuit de mardi à mercredi, les deux premières rencontres de cette saison énorme avec des matchs toute la semaine, bien sûr. Les Coupes d'Europe cette semaine. La JP Elite Orléans se déplace à l'extérieur. Bien sûr, ça va pas se déplacer à domicile, vous allez me dire. Et ce sera à Nanterre, samedi soir. En basket, donc, on le disait, Formule 1, un grand prix ce week-end, on l'a annoncé tout à l'heure, hein. C'était un grand prix qui ira se déplacer à Mexico, bien sûr au Mexique. Rallye, ce sera cette semaine un nouveau rallye, champion du monde de WRC, en Espagne-Catalogne. Et puis en MotoGP, là aussi un nouveau grand prix qui va se dérouler pour la fin de saison quasiment en Australie, dimanche. Voilà toute cette semaine de compétition. Et puis, en handball, enfin, on le disait tout à l'heure, le programme, pas de championnat, pas de coupe d'Europe, mais la Golden League, première étape de Golden League pour l'équipe de France. Donc, cette semaine, enfin, jeudi et samedi, deux rencontres au programme pour les Bleus. Voilà le programme de la semaine, plein de choses. Encore une fois, n'hésitez pas. On se quitte avec un dernier titre. Ce sera. Qu'est-ce qu'on nous propose encore? Plein de choses. Je sais que oui, on peut pas tout passer malheureusement. Ce soir, il n'y avait pas eu beaucoup de titres. Malgré tout, on n'a pas fini dans les temps, mais bon, c'est pas grave. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 19h30 pour la deuxième semaine consécutive. Hein, et après, on prendra l'horaire habituel pour se quitter. Qu'est-ce qu'on a proposé ici? Stardust, ben oui, pourquoi pas. Stardust avec un titre qui va démarrer tout de suite, qui s'appelle Music Sounds Better With You. Et bien évidemment, passez une bonne fin de soirée, bonne semaine, et bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. D'ici là, portez-vous bien, et puis vive le sport bien sûr, bye bye, ciao. We'll be right back. love might bring us back together. I feel so good. I feel right. The music sounds better with you. Love might bring us back together.